Il est temps de retrouver notre François Morel national. Bienvenue François. Merci Ali. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui disaient « c'est rien qu'une grippe », ceux qui disaient « bon, c'est un virus de plus », ceux qui disaient « faudrait pas qu'ils en profitent pour annuler les élections », ceux qui disaient « ce serait un déni de démocratie », ceux qui disaient « ce serait un coup d'État », ceux qui disaient « ni plus ni moins », ceux qui disaient « il n'y a pas de risque dans les bureaux de vote », ceux qui disaient « ils en font peut-être un petit peu trop quand même ». Ceux qui disaient « le masque ne sert à rien ». Ceux qui disaient « et puis de toute façon, c'est pas facile à mettre ». Ceux qui parlaient fort, ceux qui péroraient. Ceux qui disaient « c'est le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui ». Ceux qui disaient qu'il fallait faire des économies. Ceux qui ne savaient pas, mais qui parlaient quand même. Ceux qui parlaient quand même sans savoir, mais qui en plus à la télévision étaient payés. Ceux qui jamais ne disent « je ne sais pas ». Ceux qui n'arrivent jamais à se taire. Ceux qui continuent de l'ouvrir en n'en sachant pas plus. Ceux qui, après s'être rapidement excusés, avoir fait leur mea culpa sommaire, parlent à nouveau, parlent toujours, parleront encore pour faire marcher le grand commerce de la machine à bavardage qui ne coûte pas cher et rapporte gros. Ceux qui... pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui benoîtement relayaient les directives d'un libéralisme assumé. Ceux qui disaient que l'hôpital était une entreprise comme une autre. Ceux qui enjoignaient l'ensemble des établissements hospitaliers à résorber le déficit. Ceux qui, d'un revers de main, balayaient l'argumentation du personnel quand il alertait les responsables en disant « nous sommes déjà en sous-effectif ». Ceux qui disaient aux infirmières en colère « si la situation vous insupporte, vous n'avez qu'à rendre vos tabliers ». Ceux qui devraient pleurer de honte dans le tablier des infirmières. Ceux qui étaient sourd face à la détresse du personnel hospitalier. Ceux qui osaient dire que le suicide d'un cadre hospitalier sur son lieu de travail n'avait rien à voir avec la gestion d'un hôpital. Ceux qui, demain, seront peut-être les mêmes pour diriger les hôpitaux, la politique de santé. Ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux qui regardent leurs chiens mourir. Ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui n'ont jamais vu la mer, ceux qui profitent du confinement pour relire Prévert. L'indispensable François Morel.